Pourquoi ça va mal? Pourquoi tant de mal? Pourquoi des jeunes finissent à l'hôpital, le corps criblé de balles? Je comprends pas le racisme, le fascisme, l'antisémitisme. J'ai la haine, tu l'as compris dans l'album 8-9 banditisme. Je te comprends pas, toi qui mets un terme à ta vie. Dis-toi qu'il y a des gens qui t'envient. Je comprends pas pourquoi il y a trop de différences dans ce pays qui est la France. Je comprends pas pourquoi les générations ne se comprennent pas. Je comprends pas toute cette misère qui règne autour de nous. Pourquoi cela s'élargit-elle derrière nos frontières? Je comprends pas, frère. Je comprends pas tous ces gars contre de fierté, je comprends pas les racistes. Pourquoi ont-ils la haine envers les immigrés? Je comprends pas pourquoi on n'hésite pas à te mettre à chaise pour une simple histoire de business. Sur cet instru, je pose avec Vito et RSCEUS. Je comprends pas pourquoi il y a tant de différences entre les races. Pourtant, à notre passage sur terre, on laissera tous la même trace. Je comprends pas pourquoi l'amour fait en souffrir. Une blessure ne peut guérir. Pourquoi dans le cœur des hommes, la haine fait que grandir? Je comprends pas ces politiciens qui visent le pouvoir et qui n'en ont que faire de ceux qui vivent dans la misère. Je comprends pas les forces de l'ordre qui ne cherchent pas le dialogue et qui t'embarquent dès que sur toi t'as un peu de drogue. Je comprends pas les fachos, je comprends pas les rachos. Faudrait les enfermer dans un cachot. Des fois la vie c'est chaud. Je comprends pas la devise, je comprends pas cette France qui est en crise. Liberté, égalité, fraternité. J'espère qu'un jour ça va exister. Je comprends pas la pauvreté. Je comprends pas ces pétages, je comprends pas ces chaudasses. Pourquoi se couche-t-elle pour une liasse? Je comprends pas pourquoi dès qu'une star dérape et qu'elle tease, les médias appliquent et la médiatise. Je comprends pas pourquoi le touch n'est toujours pas légalisé. Quand t'en fumes, c'est toi qui es pénalisé. Pas la peine de venir m'analyser. Je comprends pas pourquoi des maris tapent leurs femmes. Un peu d'alcool et hop, c'est le drame. Pourquoi des pères tapent leurs fils? Les mères pleurent seules et subissent. Je comprends pas les que flippent motivés. Quand y'a pas de conflit, mais toujours là pour te faire chier. Quand t'as dû te chier, je comprends pas la guerre en Occident. Je comprends pas la mort en accident. Je comprends pas que pour du Z là, on peut te péter une dent. Je comprends pas le FN, pourquoi ont-ils tant la haine envers les étrangers qui veulent se ranger? Je comprends pas les poucaves qui bandent quand ils bavent au commissaire. Je serais eux, j'en serais pas aussi fier, ça c'est clair. Je comprends pas les intellos, je comprends pas les alcoolos. Je comprends pas les junkies avec leur drogue dure. Je comprends pas les politiciens avec leurs promesses qui jamais ne durent. Je comprends pas que la France laisse des clochards galérer dans la hure. Je comprends pas la haine des gens, je comprends pas ceux qui devant toi font les petits gens. Je comprends pas pourquoi tout le monde est attiré par l'argent, à savoir si le pouvoir c'est l'argent. Je comprends pas la France et toutes ces manigances. Je comprends pas qu'on puisse vivre dans la souffrance. Je comprends pas pourquoi, simplement pourquoi la vie me fait défaut des fois. Je sais que j'ai pas fait ce qu'il faut, mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi les pédophiles violent les petites filles. Ils sont toutes excités devant cette petite qui a aucune maturité, aucun mérite à jouer ton boss devant ce gosse inoffensif. Je comprends pas ce qui sniffe, je comprends pas ce qui se pique. Je comprends pas pourquoi le monde est chaotique. Je comprends pas tout simplement la vie. Je me laisse guider par mes envies sur un manuscrit. Elle est déjà écrite, alors vas-y poteau venin, prends la suite. Je comprends pas pourquoi ceux qui marrent des buts sont pleins d'oseille. Je comprends pas pourquoi quand tu galères en usine tu touches pas d'oseille. Je comprends pas la vie tout simplement. Pourquoi ne s'écoutait pas tranquillement? Ouais, tranquillement. Ouais, SNDK featuring venin.